weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin, feathered road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin, but you acting young. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo. Vous nous écoutez sur le 107 FM via internet ou sur appli gratuite pour smartphone. Coucou à tous. Et vous êtes les bienvenus pour un voyage à travers la bulle aujourd'hui, eh bien, direction un autre monde, un monde lointain, celui du club Forge Monde. Pour voyager avec nous, eh bien, ils sont venus nombreux. Alors Maxime, Marina, Océane, Adrien, Christophe, bonjour à tous. Bonjour. en cœur, comment ça va? Bah ça va bien. Pas tous en même temps, hein, surtout. Hein. Alors si vous vous présentiez chacun. Eh ben, vas-y. Allez. Marina, j'ai 30 ans, ouais. Je viens de Metz et je fais des allers-retours entre chez moi et Épinal. Ah, d'accord, on en saura plus un petit peu après. Oui. Oui, bah du coup, moi, c'est Océane, j'ai 18 ans et je vois pas trop ce que je peux dire d'autre. Ah, bah par exemple, depuis combien de temps fais-tu partie du club Forge Monde, par exemple? Ça fait 3 ans. Oui, d'accord. Ça fait 3 ans, je crois. Donc là, on vient d'apprendre quelque chose déjà. Première chose que l'on apprend, c'est que même si on est mineur, on peut venir participer à des jeux de rôle au sein du club. Oui, à partir d'un certain âge, il y a un moment où on n'accepte plus parce que c'est trop jeune. Ouais. Donc c'est à partir de, on avait dit 15 ans. Ouais. 15 ans, ouais, à d'accord. Partir de 15 ans, on accepte. Une certaine maturité mentale. Quoi. Voilà. D'accord, ok. Alors Maxime, présente-toi, parce que toi, c'est quand même toi que j'ai eu en interlocuteur premier. Eh bien, bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 23 ans. D'accord. Et je fais du jeu de rôle depuis, je sais plus. Depuis presque aussi longtemps que tu as une voix douce. Et suave. Tout à fait. Donc non, voilà. D'accord. L'émission donc, va prendre un autre tournant, peut-être. Faites attention aux oreilles des enfants. Non, je rigole. Mais il faut une voix douce et suave pour pouvoir emporter les joueurs. D'accord. Ok, Adrien. Oui, alors moi j'ai pas de voix suave, hein, j'annonce tout de suite, dommage. C'est pas mon truc, encore que. Moi je m'appelle Adrien, je suis Romarie Montin, je suis au Forge Monde depuis un moment. D'accord. Parce que ça va pas me rajeunir, j'ai 35 ans, ouais. Je suis rôliste depuis mes 18-17 ans. D'accord. Ça fait un certain temps aussi. Petit joueur, que je sais beaucoup plus, toi. Et puis, quoi d'autre? Bon, voilà. C'est déjà pas mal. Oui, je vais m'arrêter là, parce que sinon, après, je suis lancé et puis d'accord. Je m'arrête plus. Autrement, ce sera la vie d'Adrien, ce sera pas le club Forgemont, mais bon, vous pouvez revenir. La vie d'Adrien est palpitante. Mais je suis très fort pour ne rien dire. Non, c'est pas le moment, là. Là, on compte sur toi. Christophe, alors, dis-nous en plus. Et donc, pour terminer, Christophe, donc bientôt 50 ans. D'accord. Rôliste depuis un peu plus de 30 ans. Ah oui. Et spinalien depuis une douzaine d'années. Ah oui, d'accord. Donc là, toi, tu es vraiment... Le vieux sage qui fait le grimace. La source sûre, je voulais dire, c'est quand même plus beau, non? Le sage du club. C'est ça. Tu amènes ton expérience? Oui, il n'y a pas d'expérience, c'est l'enthousiasme qui prime dans ce genre de passion. D'accord. Alors, on va faire déjà un petit point sur les jeux de rôle. Hein. En France, l'émergence du jeu de rôle, eh ben, il commence à la fin des années 70 et au début des années 80. C'est ça, Christophe? Parce oui, que du tout coup, à fait, ben, oui. j'ai une source d'accord, sûre. Ok, ça marche, cool. Pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas encore vraiment ce que sont plutôt les jeux de rôle, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, voilà, en quelques mots? Qu'est-ce que c'est un jeu de rôle? Un jeu de rôle, je dirais, c'est un peu à la croisée entre du théâtre en improvisation. D'accord. Et ce qu'on appelle les jeux de plateau, genre Monopoly, enfin tout ce qui joue avec des dés, des règles et des choses comme ça. D'accord. C'est-à-dire qu'on va à la fois avoir une partie, formatée par des règles. On va régler des actions avec des résultats de jets ou par des décisions orales. Et en même temps, effectivement, il y a un scénario auquel il faut réagir à tout bout de champ, donc c'est l'improvisation constante. D'accord. Un peu comme un conte au coin du feu. C'est ça. Avec une personne qui raconte une histoire en fonction de ceux qui sont en face et qui sont joueurs, et qui vont interagir dans cette histoire-là pour arriver à la résolution de l'aventure, en fait. Il faut de l'imagination, j'imagine, pour être rôliste. C'est mieux. Oui, après il y a aussi beaucoup les... il faut de l'imagination et il y a... justement les ce qu'on appelle nous les maîtres du jeu qui les meneurs du jeu qui vont raconter l'histoire et décrire les endroits et les situations qui vont aider justement à cette immersion et cette imagination des joueurs. Il y a un peu un scénariste, d'accord, et des acteurs principaux. Alors voilà. Comment ça se décide ça tout de suite quand on commence le jeu? On sait déjà quel rôle chacun aura au sein de cette session entre guillemets? Ça dépend en fait. Si vous voulez, le meneur de jeu va vous proposer un jeu. Donc en fonction du jeu, il y aura différents archétypes jouables. Et en général, on demande aux autres ce qu'ils ont envie de jouer. Donc si vous êtes plus à l'aise à jouer une femme, vous jouez une femme. Si vous êtes plus à l'aise à jouer, je ne sais pas, un roublard. Qu'est-ce qu'un roublard? C'est un voleur. On a un expert à la table. On a un roublard. Ah bon? Un chevalier. Ah, il fait tout le temps des roublards. C'est toi le roublard? Oui, c'est moi le roublard. Oui. Et voilà, donc du coup, on fait quelque chose que soit on a envie de tester, soit c'est quelque chose qu'on maîtrise et qu'on aime bien faire, et voilà. D'accord. Comment on arrive à se mettre d'accord? Parce que on est plusieurs là déjà, donc est-ce que voilà, il y a une petite négociation, ou alors non, quand quelqu'un propose quelque chose, tout de suite on a envie? Dans un premier temps, on se met tous d'accord sur le jeu auquel on veut jouer, ouais, parce qu'il y a énormément de jeux différents, d'accord, avec des mondes différents, donc ça peut être des choses d'inspiration plutôt médiévale, fantastique, comme dans un monde du Seigneur des Anneaux par exemple, ou alors quelque chose de plus contemporain, comme une enquête policière ou des choses comme ça, d'accord, ou enfin quelque chose de plus futuriste, comme le monde de Star Wars ou des choses comme ça. Donc on choisit déjà un jeu en commun, on se met d'accord là-dessus. Et ensuite, la première étape, bien évidemment, c'est de créer un personnage. Et là, généralement, on essaie de se mettre d'accord de manière à faire un groupe équilibré. D'accord. De manière à ce que chacun ait son rôle à l'intérieur du jeu de rôle, en fait. Ok, alors on en sait déjà un petit peu plus sur le jeu de rôle, mais on va s'intéresser un petit peu au club. Hein. Le club Forgemonde a été créé il y a 4 ans, c'est ça? Oui, à peu près. Oui, c'est ça, 4 ans. Ok, qui a eu cette brillante idée? Malheureusement, elle n'est plus là. Ouais, c'est une amie à nous, Morgane, en fait. Elle a réouvert le club. D'accord. Et c'est un déracinement, en fait. Voilà. D'accord. Et elle est partie pour le travail, donc elle nous a laissé le bébé. D'accord, ça, mais on te salue si jamais tu nous entends quelque part. Sache que ton club est entre de bonnes mains. Donc il a été repris par qui, ce club? Par toi, Maxime? Oui, le club a été repris par moi après, pour en tant que référent du club, parce qu'on est comme on est un club, on n'a pas vraiment de président, tout ça. C'est plus la personne référente, c'est plus celle qui va prendre les contacts justement avec, comme par exemple avec vous, ou qui va organiser et un peu regrouper les informations pour tout ce qui est les événements comme les imaginales, jeux et compagnie et tout ça. Quoi. D'accord, ok. On reviendra peut-être en parler plus tard. Bah oui, du coup, carrément. Voilà. Carrément. Donc, pour le moment, c'est moi. Et okay. Puis après, chaque année, on verra si quelqu'un d'autre veut. Normalement, en début d'année, on décide de qui devient le président. Okay. Mais la place est plus ou moins définie tout au long de l'année parce qu'on sait que la personne qui le fait bien, donc elle garde la place. Oui, ouf. C'est vite dit. T'es sauvé, Maxime. Ouf. Ouais. Pourquoi t'as eu envie de reprendre le club? Est-ce que ça s'est un petit peu imposé à toi, ou alors vraiment c'était une réelle envie? Ça s'est un peu imposé à moi, mais il y avait aussi une envie derrière, parce que moi, c'est le jeu de rôle, déjà, c'est une passion que j'ai pas envie de perdre. D'accord. Donc du coup, le fait d'avoir un club avec un groupe d'amis avec qui on se retrouve les week-ends pour jouer, tout ça, c'est toujours sympa, ça fait un peu sortir et ça fait voyager. Ouais. Et du coup, effectivement, le fait que s'il n'y a plus personne pour reprendre, je reprendrai pour éviter que justement ce club se disloque et qu'il n'y ait plus rien. Et ça serait, je trouverais ça dommage, parce que ça peut permettre à des gens de découvrir aussi le jeu de rôle et de participer et puis de pouvoir perdurer et reprendre le flambeau. Ouais, ça c'est chouette. C'est une activité qui permet quand même justement de voyager sans avoir à trop bouger. Exactement. D'accord. Quand on n'a pas les moyens de partir, voyage imaginaire, ce genre de choses. Voilà. Ça permet de voyager, de se retrouver, d'être... de se retrouver ensemble. Oui. Et et de s'amuser ensemble aussi. Je vois ça, moi, comme lire un bon livre, en fait. C'est On lit un livre, sauf que le personnage qu'on voit à travers ce livre, ben, c'est nous qui l'interprétons. Quoi. Bon, avant tout, c'est un jeu, il faut bien comprendre. Voilà, on est là pour s'amuser. Aussi. Donc ça digresse énormément autour de la table. Des fois, on va passer une demi-heure à parler d'autres choses que le jeu de rôle. D'accord. Donc voilà, c'est surtout en premier lieu, l'intérêt, c'est d'être ensemble et puis de s'amuser autour de quelque chose qu'on partage et puis d'en profiter pour partager d'autres choses en même temps. C'est ce qu'on essaye de faire transmettre le plus possible au club, c'est justement, ça. Ce côté bonne ambiance et bande de potes qui s'amusent et qui jouent. Quoi. Ça devient une grande famille en fin de compte. Un peu, oui, c'est ça. Moi, je vois ça comme ça. Ouais, bon, après, on fait des repas ensemble, des choses comme ça, pour aller au-delà du simple jeu de rôle. Quoi. C'est la soupape de décompression, un peu le club. C'est le moment où voilà, on se fait du bien, on se lâche, on ne pense plus à rien d'autre. C'est ça. Parce qu'en plus, on prend un autre rôle. On laisse vraiment sa vie derrière soi. C'est vrai. Voilà, pour endosser une autre vie. Alors, Maxime comparait ça effectivement à un bon livre qu'on ouvre. C'est effectivement une possibilité. Moi, je compare ça à une série, une série télévisée, où à chaque épisode, on en apprend un petit peu plus sur chaque personnage, parce que au-delà de la trame, du fil rouge de l'épisode, de temps en temps, il y a des coups de projecteur sur tel ou tel personnage, et puis on voit des développements personnels, des choses comme ça. Et jeu de rôle, c'est exactement ça aussi. C'est-à-dire qu'à tel moment, le scénariste va proposer un développement ou va orienter le scénario sur un personnage plutôt qu'un autre. Tiens, il y a ta sœur que tu n'avais jamais vue, que tu n'avais pas vue depuis X années, qui arrive là, comment tu réagis, tac, tac. Ah, donc là, ça fait ressurgir un peu des émotions quand même qu'on a à l'intérieur de nous, même si on joue un rôle, ça peut faire ressurgir quelques petites choses que l'on ne soupçonnait plus ou pas chez nous. Effectivement, on s'attache aussi à nos personnages, peut-être qu'on met aussi une partie de nous, et des fois, face aux adversités qu'ils subissent, on se sent un peu comme eux, acculés, un peu tristes, ou alors heureux quand quelque chose leur arrive. Ça, c'est un peu comme quand on écrit un roman, justement, Maxime. On s'attache à nos personnages, et puis il y a des fois, on a du mal un petit peu à les laisser. Quel est votre rôle à tous au sein du club? Est-ce que vous avez tous une place? Ou alors, voilà, Maxime, toi, tu es un petit peu le porte-parole, le président. Et est-ce qu'il y a d'autres rôle pour vous au sein, mais cela vraiment réel au sein du club? On n'a pas de rôle bien défini particulièrement. Ça va se définir en fonction un peu des événements. Oui. C'est-à-dire que pour jouer compagnon, on va dire qui veut s'en occuper cette année, par exemple. Les groupes vont changer, en fait. C'est en fonction de l'enthousiasme et des envies de chacun. Tout est basé là-dessus. Tout est basé sur l'envie. Sur le collectif, il n'y a pas de hiérarchie. Non. D'accord. Donc c'est plus un groupe qui va évoluer en tant que tel. Quoi. Puis ça dépend aussi énormément de ce que les autres proposent. Par exemple, quand on fait des nocturnes, donc on reste ouvert jusqu'à minuit, 1h du matin. Ah bon ? Ça arrive, ça, une fois par chouette. Mois. Une fois par et mois. Du coup, on en profite soit pour manger tous ensemble, et dans ce cas-là, il y en a un qui se propose de faire à manger pour le groupe, soit on fait ce qu'on appelle chasser le manger, et dans ce cas-là, tout le monde va au McDo ou où il a envie, tout simplement. D'accord. Et on se retrouve autour d'une bonne ambiance, et c'est vrai que oui, je reviens sur ce que disait Christophe, c'est que c'est vraiment un club collectif où chacun va pouvoir apporter quelque chose et avoir son mot à dire. C'est pour ça que je ne suis pas trop fan du terme président. Oui, il n'y a pas de hiérarchie, c'est plus un représentant. Référent, c'est le bon terme qu'il utilise. Effectivement, lui, ça va être un peu la vitrine, la personne de référence que les personnes. C'est lui qui fait le lien entre le club et puis l'extérieur. L'établissement où on se situe et l'extérieur. D'accord. Alors avant d'en savoir plus sur ce fameux club Forge Monde avec nos 5 invités aujourd'hui, merci en tout cas à vous 5 d'être parmi nous, on va se lancer dans une première bulle de son à leur playlist spécialement concoctée par Adrien. Assume Adrien, assume. Tu as la responsabilité. J'ai toute responsabilité, d'accord. C'est ça. On écoute. C'est Maxime le président. Non. Il a dit qu'il n'y avait pas de président. Faut se mettre d'accord. En tout cas, le président, le référent de cette playlist d'aujourd'hui, de nos bulles de sang, c'est bien toi, Adrien. On écoute À l'aventure compagnon et on se retrouve juste après. Dans mon village réparer des chaises en bois. Mais l'aventure m'appelait, l'ennui était en moi. J'avais d'une tour, siégeant un peu plus loin. J'ai attrapé mon canasson, mes bottes et mon gourdin. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester chez moi, la suite vous le dira. Je suis arrivé au lieu dit, trempé par un orage. Ma monture s'est enfuie, mais j'ai gardé mon courage. Contournant l'édifice dont la porte était fermée, j'ai glissé dans la boue et puis les chiens sont arrivés. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, ce donjon il est pourri. Ils ont bouffé ma cape, mes sandwichs et mon boudin. J'ai dû abandonner mon sac et fuir comme un vilain. Poursuivi par les bêtes, je suis tombé dans un trou. C'était l'entrée secrète qui passait par les égouts. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, ce donjon il est pourri. J'ai rampé dans la fange, les vermines et les sangsues. J'ai atterri dans un cachot où vivaient trois bossus. Ils m'ont piqué ma veste, mes bottes et mon gourdin. Et ils m'ont balancé dehors à grands coups de pied dans le train. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, ce donjon il est pourri. J'ai traîné dans les corridors sans armes et déprimé. Égaré dans la tour, je suis revenu à l'entrée. Les orques m'ont vu passer, courant vers la sortie. Ils se demandent encore qui était cet abruti. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, ce donjon il est pourri. L'histoire était finie et j'ai voulu rentrer chez moi. En courant sous la pluie, boitant comme un vieux rat. Cherchant pour une auberge, une paillasse et un cruchon. Je me suis dit l'aventure, c'est pas fait pour les couillons. À l'aventure, nom d'un chien, je n'irai plus faire le malin. J'aurais mieux fait de rester chez moi, à faire des chaises en bois. Et voilà pour cette fameuse première bulle de son concoctée, je vais y arriver, par notre ami Adrien. Merci beaucoup en tout cas pour ce choix. Est-ce que c'est des musiques que parfois vous écoutez à certains moments du jeu? Est-ce qu'il y a de la musique au sein des jeux de rôle ou vraiment pas du tout? Oui. Alors pas forcément ce genre de musique. Là en l'occurrence, c'est un rôliste. D'accord. Qui a fait un podcast justement, bon, il y a des années de ça maintenant, hein, ça oui, fait longtemps. C'est vieux, ça. Comment, et qui a développé tout un univers et qui fait des chansons en même temps à côté puisqu'il est musicien. D'accord. Après, en cours de jeu, ça nous arrive effectivement de mettre une ambiance sonore. Oui. En raccord avec soit l'univers dans lequel on joue, soit l'action dans laquelle on est, et ainsi de suite. C'est chouette. Tout le monde le fait pas forcément, ouais. Mais des fois ça rajoute un petit... Bah oui, on se met dans l'ambiance en fin de compte, quoi. Voilà, exactement. C'est ça. Alors combien vous êtes au sein du club Forge Monde aujourd'hui, si vous en avez en tout cas la connaissance? On doit être à peu aux près alentours d'une bonne... une bonne vingtaine, sur les 25, allez, grand max. Entre 20 et 25. Entre 20 et 25, voilà. 22 et demi. Qui dit mieux? On ne sait pas encore qui a survécu à la dernière partie, donc il faut qu'on recense. Mais il y en a un qui est en train de sécher dans la cave, on l'a un peu oublié, on va revenir. Mais oui, on est entre 20 et 25. Puis on espère bientôt être plus. Mais oui, puis ça évolue d'année en année parce qu'effectivement, comme on a une partie de nos adhérents qui sont assez jeunes. D'accord. Donc après, bien évidemment, avec la vie, les personnes ouais. s'en vont, d'autres qui reviennent. Donc voilà, il y a toujours un certain turnover de. Tu me donnes une bonne perche. On va s'intéresser un petit peu à Océane. C'est toi la plus jeune aujourd'hui parmi nous. Tu as 18 ans. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a donné envie à un moment donné de venir faire ces jeux de rôle, de venir intégrer ce club? En fait, j'ai découvert le jeu de rôle il y a 2-3 ans, justement, c'était à Jouer Compagnie. D'accord. Et j'avais un peu aucune idée de ce que c'est. Vous savez, quand on est dans ce genre de festival, on se promène un peu partout. Ouais. Et là, j'étais tombée sur Maxime. Ah, qui Maxime. Qui accueillait un peu tout le monde bras ouverts et nous disait « Allez, venez, c'est rigolo, on va s'amuser. » Ouais. Puis, à un moment, il faut bien finir par trouver quelque chose. Et puis, on y est allé avec un ami. D'accord. Et puis en fait, je me suis vite rendu compte que c'était, l'ambiance était vraiment originale et sympathique. Enfin, il a réussi à nous emmener vraiment dans un monde qui était totalement... c'était imaginaire, c'était pas du tout habituel, et découvrir ça, c'était vraiment étonnant. Déconnecté. Et ouais, c'est un peu ça. Enfin, on est transporté dans une bulle et c'est incroyable. Et du coup, c'est pour ça aussi que je suis revenue. D'accord. Et c'est toujours la même chose. Enfin, je viens de moins en moins, mais... Ah bon ? À chaque fois. Bah, le problème, c'est que c'était l'année de mon bac. Ouais. Et j'avais beaucoup de mal à venir parce que je révisais beaucoup. Bah oui. Mais à la fin, je suis assez venue. Enfin, je sais pas si... J'étais beaucoup venue vers la fin. D'accord. Et parce que ça me manquait beaucoup, ouais. Hein, parce que j'adore ce club. Et ouais, ça me faisait du bien de retrouver tout le monde. Et puis, c'est une façon pour moi de décompresser aussi, d'aller au jeu de rôle. Ah bah ça, c'est vraiment, bien. Ça aère l'esprit. D'accord. C'est bien. Est-ce que tu connaissais les jeux de rôle avant ? Vaguement. J'en avais parlé peut-être une fois avec mon père, mais j'y avais jamais trop touché. Hein. C'est un peu méconnu encore, c'est cette façon de jouer ? Ça revient ouais. Tout doucement. Ouais, non. Connu, je pense pas, non, parce qu'on en a quand même parlé pas mal dans les années 80-90, ouais. Pas forcément bien. Oui, c'est vrai, j'ai voilà. Vu ça. Souvent à tort, même à partir de quelques simples exemples, ouais. On en tirait des généralités. Bon, maintenant, je pense qu'on est allé au-delà de ça, c'est considéré comme un loisir, je dirais, quasiment comme un autre. D'accord. D'autant plus que le jeu de rôle, maintenant, se pratique soit en grandeur nature, soit sur ordinateur. Ah oui, d'accord. Donc voilà, après, c'est encore une face différente ouais. qu'on pratique, mais ça s'est quand même bien démocratisé, quoi. Nous, on est pour quand même les jeux de rôle réels, hein, pas derrière un ordinateur, être tous ensemble, ça doit être vachement quand même plus sympa, quoi. Ah, y a un côté, bah, c'est sûr, il y a un côté bande de potes autour d'une table à discuter, à partager, comme disait Christophe, où on digresse beaucoup et on parle finalement pas de jeux de rôle et d'autres choses, ouais. Et on rigole, et puis y a ce côté ambiance aussi, qui est différent effectivement de devant son ordi. Qui ne minimise pas non plus le jeu de rôle ordi, mais qui oui, est oui, il y en faut pour ambiance. Tout le monde en tout cas. On est tous ensemble et des fois il nous faut 3 heures pour descendre un escalier dans le jeu, par exemple. Oui. Ouvrir une porte. Des fois qu'on referme plus que ce qu'on ouvre. Oui. Est-ce qu'on se surprend à certains moments dans notre personnage ? Est-ce que voilà, il y a une autre partie de notre personnalité qui ressurgit et que l'on ne soupçonnait pas. Est-ce qu'on a plus de liberté, en fait, à s'assumer comme on a envie sur le moment, justement, de par ce rôle ? Totalement, parce que le fait de prendre un rôle, justement, ça évite tout jugement. Oui. C'est-à-dire que c'est pas nous, c'est notre personnage. Eh oui. Donc, voilà, il y a un filtre qu'on a tous. Donc, on peut pas juger les actions de l'autre, sinon à travers notre propre personnage, en disant, ben non, l'action que tu fais là, oui. Elle est stupide, elle va nous mettre tous en difficulté, tous en danger, des trucs comme ça, mais c'est toujours entre personnages. D'accord. Il n'y a pas de jugement de valeur à ce niveau-là. Et c'est justement l'occasion d'en profiter pour se lâcher. De devenir c'est le méchant. Pour. C'est fait pour. Hein, on peut être le méchant. Adrien, il dit oui. Le méchant. Ça te fait du bien. Hein. Et oui, ça défoule aussi. C'est vrai. C'est aussi un défouloir. Après, on parlait tout à l'heure de l'âge oui. Des participants. On fait quand même attention à avoir une certaine tenue oui. Dans certains thèmes qu'on peut aborder dans voilà quoi, mais c'est vrai que quand on est en adulte ça peut être un défouloir aussi un bon coup quoi. Mmh. Oui, et ça fait du bien. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs types de jeux ? Je connais déjà la réponse, c'est oui. Est-ce qu'il y a des jeux un peu incontournables, en fait, quand on est rôliste ? Il y a peut-être le plus connu, vas-y. Donjons et Dragons. D'accord. Mais après, ça dépend après, ce que vous avez l'appel. Envie de jouer. Quoi. Donc, l'appel, oui, l'appel de Cthulhu. Star Wars. Du Star Wars. Ah ouais. Star Wars. Oui, c'est vraiment en fonction des affinités de chacun. Oui. Il y a autant de jeux que d'univers qui a été créé que depuis voilà. Des années. Surtout avec Internet, c'est-à-dire voilà. Que maintenant quelqu'un peut faire son propre jeu, le mettre sur Internet à disposition de tout le monde. Donc il y a une foultitude d'univers disponibles. Quoi. Finalement, okay. Finalement, un jeu de rôle, c'est un univers où tu mets des règles dedans, quoi, et pour pouvoir jouer. Et tu fais des règles qui tiennent. Des fois même, il y a des jeux de rôle qui reprennent des règles d'autres jeux de rôle qui marchent bien et tout autour, ils remettent leur univers par-dessus. Quoi. Par exemple, Donjons et Dragons, c'est l'un des plus connus parce que justement... C'est le premier déjà. C'est le premier. Et en plus, les règles et tout ça ont été plus ou moins partagées à tout le monde et beaucoup de jeux de rôle ont basé leur univers autour des règles de base de Donjons et Dragons qui d'accord. Est le premier jeu de rôle. Quoi. Okay. Il y a des packs de... Enfin, il y a des règles aussi qui sont justement assez génériques pour prendre les règles sans avoir d'univers, et on crée l'univers tel quel, à partir des règles. D'accord. Qui nous permettent juste d'avoir un cadre dans lequel on joue, et ensuite, ben, là-dessus, on va raconter notre histoire, notre univers, on va y mettre un peu ce qu'on veut y mettre. Et même un jeu de rôle où il y a un univers préfet dessus, si l'univers du jeu de rôle ne vous intéresse pas, mais que les règles vous intéressent, on peut très bien dire, le bouquin, l'univers ne m'intéresse pas, je fais un autre univers par-dessus et je l'invente moi-même. Ou inversement, on a aussi le cas où les règles, elles sont un peu bancales et du coup, il faut un peu modifier pour que ça passe mieux. Voilà. Dans tous les cas, il ne faut pas oublier que dans jeu de rôle, il y a jeu. Et le principal, c'est que chacun s'amuse autour de la table et qu'on puisse avancer dans cette dynamique. Cette activité. Et la plupart du temps, les jeux de rôle qu'on fait, des fois, se créent même avec les joueurs directement sur le tas. En jouant, on se rend compte que, cette règle, elle ne va pas, et c'est un joueur qui va dire pourquoi on ne fait pas comme ça, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Et hop, on le fait, et ça marche, et ça se crée avec tout le monde. C'est vraiment un jeu qui permet une collectivité dans la création et dans l'imagination. Et ça, c'est chouette parce que ça crée de la cohésion. Et on apprend un petit peu à faire avec les envies de chacun, C'est le vivre ensemble. Vivre ensemble. Et ça, c'est important. Ça donne des belles valeurs, quoi. Ah, tout à fait. Donc, si des jeunes gens ou même des moins jeunes veulent intégrer ce genre de club, c'est le bienvenu parce que ça donne une bonne expérience de vie. Moi, je trouve que le vivre ensemble, comme tu le dis, Adrien, c'est important et puis ça se perd un petit peu, quoi. Et on accueillera au club toutes les personnes qui voudront bien venir avec bras ouverts. Alors, ça se passe tous les samedis et dimanches de 14 à 19h au centre Léo Lagrange à Épinal. C'est ça, tout à fait, au centre Léo Lagrange à Épinal et tous les dernier samedi du mois, pardon. Je précise que c'est quand même hors vacances scolaires. Hein. D'accord, ok, n'y allez pas maintenant, quoi. Non, voilà. Non. Il n'y aura personne. Effectivement. Le forum est ouvert. Oui, le forum est ouvert. Mais à Léo Lagrange, il n'y aura personne. D'accord. Donc il y a un forum sur lequel on peut dialoguer avec vous, savoir plus. Il y a un forum où vous pouvez venir vous présenter. Il y a une partie présentation. Il y a une partie des événements qu'on fait dans lesquels on participe. Il y a une partie où justement on organise les week-ends. Qu'est-ce qui se passe? Qui propose quoi? Il y a une partie aussi un peu fourre-tout on présente nos jeux de rôle si on a quelque chose qui sort de l'ordinaire qui peut être intéressant, on met dessus, quoi. Comme tout forum d'un groupe, hein, Et nous on utilise beaucoup le forum pour justement organiser, se concerter et organiser les week-ends pour que tout le monde puisse y trouver son compte et puisse venir pour participer aux tables et tout ça. Beaucoup, si vous venez au club, utilisez le forum. D'accord, ok. On mettra en tout cas le lien de ce forum avec le podcast de cette émission d'aujourd'hui, sans problème. Alors à tous les cinq, on va se lancer dans une deuxième bulle de son avec la vie d'aventurier spécialement concoctée par notre ami Adrien, chef musical aujourd'hui, programmateur musical de cette émission. Oh, les responsabilités. C'est le moment d'assumer. On écoute donc la vie d'aventurier, on se retrouve juste après. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras niveau 2 ? Quand j'aurai mon niveau 2, j'achèterai un duvet pour dormir dans les donjons sans jamais m'enrhumer. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y a des gobelins à saigner. Quand j'aurai mon niveau 3, j'achèterai un carquois. J'y mettrai des flèches magiques du genre qui t'arrache un bras. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y a des squelettes à poutrer. Quand j'aurai mon niveau 4, j'achèterai un cheval. Je sais pas vraiment monter, tant pis ça m'est égal. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y'a des orques à décimer. Quand j'aurai mon niveau 5, j'achèterai des parchemins pour lancer des sortilèges, même si je suis pas magicien. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y'a des momies à cramer. Quand j'aurai mon niveau 6, j'achèterai une armure. C'est moins facile de courir, mais on évite les fractures. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y'a des trolls à bousiller. Quand j'aurai mon niveau 7, j'achèterai un anneau qui donne plus de en charisme et la puissance d'un taureau. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y'a des minotaures à tuer. Quand j'aurai mon niveau 8, j'achèterai une baliste pour assiéger les donjons des nécromants cultistes. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y'a des lichards éventrés. Quand j'aurai mon niveau 9, j'achèterai une vorpale pour arracher au dragon cette partie génitale. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y'a un dragon pour tester. J'achèterai des pansements pour corriger les erreurs du niveau précédent. C'est surtout ça, la vie d'aventurier. Je rentre chez moi, ma carrière est terminée. Et voilà pour cette deuxième bulle de son avec la vie d'aventurier. Moi, je trouve que tu as très bien choisi ces sons pour parler de ce thème, les jeux de rôle, Adrien. Je sais, je suis extraordinaire. C'est un homme parfait. Voilà, c'est ça le roublard. Ah d'accord, ok, ça marche, c'est noté. Juste une question encore pour Océane. Est-ce que c'est pas compliqué de commencer au sein d'un club de rôlistes, entre guillemets? On va voir que vous proposez donc d'autres activités au sein du club Forgemonde. On va en parler tout de suite après. Mais pour rassurer peut-être un peu nos auditeurs qui seraient tentés par l'aventure et qui penseraient que ça s'adresse que à des gens expérimentés, toi tu peux dire que non, en fait on peut se lancer comme ça et trouver sa place. Il n'y a pas à avoir peur de se lancer dans un groupe d'adultes, on va dire, parce que quand je suis arrivée, j'étais la seule à avoir 15 ans, quoi. C'est un peu des grands enfants, hein. Mais oui. Voilà. Au final, l'ambiance elle est vraiment plaisante et ils sont hyper chaleureux, donc franchement, il n'y a pas de souci. Ok. Et puis on n'a pas besoin de savoir ce qu'est un dodécaèdre pour venir commencer. D'accord. Ok. C'est appris un petit peu sur le tas quand on vient commencer auprès de vous, par exemple, et qu'on n'y connaît rien du tout. Au fur et à mesure de jouer, on apprend les règles, ça vient tranquillement. Oui, ça vient tranquillement. Et puis nous, on est là aussi pour justement, l'idée, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est d'intégrer le plus de monde possible qui a envie de tester tout ça. Après, on peut comprendre que certains, ça peut ne pas leur plaire. Ouais, oui, il faut pour tout le monde. C'est comme n'importe quel jeu. Mais quelqu'un qui a envie de tester, on va pas lui dire non, tu connais pas les règles. Au contraire, on va justement lui expliquer, prendre le temps. Généralement, on essaye justement de le mettre à côté de quelqu'un qui connaît plus les règles du jeu pour justement lui dire attends, mais fais attention et ça, pour justement aider à entrer avec nous dans le délire et dans le jeu et pouvoir s'amuser, quoi. Et après, si ça lui plaît, il continue comme Océane. Et si ça lui plaît pas, il ne continue pas. Est libre. On fait régulièrement de l'initiation justement pour pouvoir présenter. Ça, c'est chouette. Simplifier. Ok. À quel point ça peut être simple. Est-ce qu'on évolue parfois en équipe au sein de ces jeux de rôle, par deux, par trois, par équipe, par toujours, c'est toujours une équipe qui joue en fait. C'est toujours un groupe qui, je dirais, qui lutte un peu contre l'adversité que va leur proposer le joueur particulier, quel meneur de jeu, donc le scénariste en fait, celui qui a prévu l'histoire. Et toute l'équipe normalement est censée affronter les événements ensemble. Ensemble. Donc chacun a son rôle. On va dire tiens, toi t'es le gros bras. Si on a des problèmes, c'est toi qui vas t'en occuper. Tiens, toi t'es plutôt bon pour crocheter les serrures. Ça c'est plutôt ton rôle. Tiens, toi t'es bon. T'as du bagou. C'est toi qui vas aller négocier. Toi t'es voilà. Chacun va trouver un petit peu son rôle là-dedans, de manière à permettre au groupe de progresser ensemble. Ok. Voilà. C'est l'intérêt justement. C'est le groupe. On peut changer aussi de rôle histoire de tester un autre personnage. Ah, oui. Tout à fait. Oui. Est-ce que des fois on se déguise au sein des jeux de rôle? Est-ce que parfois on prend une apparence, l'apparence de notre personnage? Alors, ça peut arriver. Alors normalement c'est très rare, c'est pour plutôt du GN. D'accord. Mais quand je fais des joueurs... GN c'est grandeur nature. Oui, merci, d'accord. Mais il arrive que quand je joue un homme, on me rappelle que je suis une femme, donc j'ai acheté une moustache. Et c'est les rares fois où je mets une moustache. Mais parce que du coup des fois c'est dur de dire il. Parce que toi t'aimes bien interpréter les hommes. J'ai testé deux fois et c'est marrant, c'est autre chose. D'accord. Ça, c'est sympa, on peut même changer physiquement. Les seules limites, en fait, qu'on se donne au jeu de rôle, ben, bon, il y a des limites logiques, mais c'est les règles et l'imagination de chacun, en fait. Ouais. Les règles vont vous dire quel personnage vous pouvez créer en fonction de l'univers que vous jouez. Donc, si vous avez envie de jouer un sorcier femme avec une longue robe, vous jouez un sorcier femme. Ça s'appellera une sorcière. Une sorcière, du coup. Merci, Christophe. Pardon. Enfin voilà, donc vous jouez ce que vous voulez, les seules limites sont les règles du jeu qui sont là et qui en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, peuvent être modifiées. Certaines règles morales aussi, où là effectivement oui. On ne va pas accepter, enfin en tout cas chez nous, on va avoir du mal à accepter quelqu'un qui va vouloir jouer un personnage malsain. D'accord. En soi. Mmh. Pas de perversité, quoi. Voilà, pas de perversité, pas de de tout ce qui est racisme, tout ce qui est. D'accord. Voilà, il y a quand même certaines règles morales qui font partie de nos valeurs et que même si sur le papier on peut tout se permettre dans le jeu, parce que c'est un personnage, oui. Et c'est pas nous-mêmes. Voilà, on a quand même des limites. D'accord. Qu'on respecte, on reste adulte. Bah oui, c'est important. Dans nos propos, quoi. C'est important. Combien... Pour que le monde reste réaliste, il faut justement qu'il réagisse aux actions du personnage. D'accord. C'est-à-dire que il y en a qui, certains joueurs jeunes notamment, qui n'ont pas l'habitude, ils pensent que comme dans un jeu vidéo, on peut arriver avec le personnage faire tout et n'importe quoi. Je rentre dans une banque, je prends l'argent, je m'en vais, ou lui il me plaît pas, je le tue, machin. Non. On peut pas. D'accord. On peut pas faire ça. Il y a forcément des réactions, ouais. Comme dans la vraie vie. Ouais. Et ça permet aussi de responsabiliser les actions en montrant que même dans un jeu, il y a des responsabilités à assumer. Mmh. Ça, donc c'est on bien. Peut pas faire tout et n'importe quoi. D'accord. Et il faut surtout aussi accepter les actions des autres. Et oui. Se mettre d'accord ensemble. Voilà. Si chacun, ça doit pas être une somme d'individualité. Si chacun part dans une direction différente, ouais. C'est plus un groupe et ça n'avancera pas. Là, on évolue l'idée en groupe. L'idée, c'est qu'on s'amuse tous ensemble et oui, du coup, ta liberté s'arrête là où celle des autres commence. Ah, oh, c'est tellement bien dit. Voilà, fallait que je la sorte. Bravo. Combien de temps Pas référent pour rien. Il va y avoir des gros mollets en sortant, hein. Les chevilles vont gonfler. Non, je rigole. Combien de temps à peu près ça dure une partie de jeu de rôle? C'est le ça dépend. Ça, c'est la question piège. En initiation, on fait 20 minutes, d'accord. Demi-heure. Après, une séance normale, ça peut aller de 3-4 heures à une après-midi, voire soirée, en fonction du scénario fait. Il y a des moments où on n'arrive plus à s'arrêter. En fait, on a envie de continuer. C'est ça. Ouais. Après, c'est un peu comme un livre, effectivement, pour reprendre Maxime. C'est-à-dire que le scénariste, il va essayer de boucler son chapitre dans le temps donné. Et après, la prochaine séance, on ouvre le chapitre suivant. Donc, ce qui reprend aussi un peu l'idée de la série, qui est en fait ce qu'on appelle nous en campagne. On joue en campagne, c'est-à-dire que quand on commence une aventure, on la commence au même endroit où on l'a finie la fois d'avant. D'accord. Donc là, en fait, on ne termine pas le jeu à chaque fois. On peut pas, en fait. Non. C'est parce que ça serait d'une longueur. Ah, bah oui. On finirait tout maigre. C'est ça. À un moment, on a des besoins. T'as fait un régime? Non, j'ai joué au jeu de rôle. Ah, ok, cool. Et encore faut-il qu'en tant que joueur, nous, parce que même en étant maître du jeu, ça nous arrive aussi d'être joueur. Hein, on peut permuter de rôle, exactement. Mais. Encore faut-il qu'on suive le scénario. D'accord. Parce qu'effectivement, là, pour le coup, si le maître du jeu veut nous amener à telle taverne, mais que nous, on a décidé d'aller dans la ville à côté, si rien nous empêche d'aller dans la ville à côté, on va y aller. D'accord. On prend des petits chemins, en fait. Hein. On reste pas forcément... C'est la liberté totale qu'on a par rapport à un jeu vidéo. Ouais. Donc, effectivement, vous allez à gauche ou à droite? On va tout droit. Comment ça, tout droit? Il y a un mur? Ouais, mais j'ai une pioche. Donc, ah voilà, ouais. Par exemple. D'accord. Et les joueurs le font souvent, ça. C'est ça. On a prévu quelque chose pour nos joueurs. On dit, bon, bah, ils vont rencontrer telle personne, ça. Et au final, ils rencontrent jamais la personne qu'on avait prévue. Et en fait, l'improvisation, c'est plus pour le meneur du jeu que pour les joueurs. Ah oui, finalement. C'est ce que j'étais en train de me dire. Donc, ça marche dans les deux sens. Du coup, là, pour être meneur de jeu, il faut un petit peu d'expérience déjà dans le jeu de rôle quand même. Enfin, ça peut vite venir à force d'en faire. Hein, parce que si on fait des sessions de 3 à 4 heures, forcément, au bout d'un mois, on est quand même plutôt bien plongé dedans. Après, on est tolérant, hein. C'est, encore une fois, on est tous là pour s'amuser. Donc, c'est on jugera personne, on critiquera personne, on lui donnera au mieux des conseils. Ouais. Ça, c'est chouette. Une belle leçon de vie aujourd'hui avec nos 5 invités. Moi, je suis ravie que vous soyez là aujourd'hui pour nous parler de tout ça. En tout cas, c'est super. Alors, on l'a dit en reprenant cette émission, vous proposez d'autres activités au sein du club Forgemonde. Dites-nous en plus. Au sein du club, on propose aussi des jeux de plateau, dits plus classiques. Donc ça va du Aventurier du Rail à d'autres jeux de plateau plus standards que n'importe qui peut jouer en famille. Mmh. On propose aussi bientôt des jeux de cartes. D'accord. Comme Magic, des choses comme ça. Et aussi un peu des jeux de figurines, dont je sais que Christophe en parlait plus. Parce que on va lancer un petit peu l'activité jeux de figurines, qui est pour l'instant, je dirais, utilisée essentiellement comme vitrine au niveau de nos événements. Oui. C'est-à-dire qu'on a, une table avec des figurines exposées, on anime également un atelier de peinture. D'accord. Et effectivement, les gens pensent qu'on fait beaucoup de figurines, alors que c'est vrai qu'on n'en fait pas beaucoup. D'accord. Mais on va s'y mettre tout doucement. Et là, il y a quelques volontaires motivés. Okay. Mmh. Donc on va lancer ça certainement à la prochaine rentrée avec un atelier peinture en même temps de figurines. D'accord. Pourquoi avoir eu envie de proposer cette diversité dans les jeux ? Parce que ça colle, en fait, quand on est joueur. Ça fait partie de la culture qu'on a. La culture du jeu de société à part entière, en fait. Le jeu de rôle, c'en est une partie. D'accord. Et c'est vrai que ça ouvre à d'autres horizons, quand même, en termes de ludisme, d'activité ludique. Et on a cette habitude aussi de faire du jeu de plateau, de faire les figurines, parce que c'est de la stratégie, d'accord, et ainsi de suite. Oui, il y a plein d'aspects différents dans le jeu, hein, stratégie, ludique, plaisir, etc. Mais est-ce que c'est pas un peu frustrant à un moment donné de se retrouver sur un jeu de plateau quand on a fait du jeu de rôle et là on se sent un peu moins libre? Non, c'est des activités vraiment différentes. D'accord. On n'a pas forcément tous les jours envie de faire une partie jeu de rôle ou les jeux qui sont proposés, on n'a pas forcément envie de jouer à ceux-là. Donc, et en plus, le format horaire n'est pas forcément le même. D'accord. Donc, avec les jeux de plateau, on peut faire une heure et puis passer et à autre chose. Voilà, On peut faire plusieurs jeux de plateau dans l'après-midi alors qu'on fera généralement qu'un seul jeu de rôle. D'accord. Donc si en plus c'est un jeu de rôle auquel on n'a pas forcément envie de jouer ce jour-là, on va faire du jeu de plateau à ce moment-là. Après, des fois, il y a des jeux de plateau où tu passes l'après-midi sur le jeu de plateau. On peut s'amuser tout autant autour d'un jeu de plateau, c'est très convivial aussi, il n'y a pas de souci. Des fois, rien que pour l'explication des règles, effectivement. Quel genre de jeu, par exemple? Oula, je peux vous citer StarCraft, pour ceux qui connaissent. Hein. C'est quoi ça? Stéphane, big up. C'est quoi StarCraft? C'est un jeu de plateau qui est... C'est un gros jeu de plateau de stratégie qui est... Qui est volumineux. Tant par le matériel que par le temps qu'il faut pour y jouer. Ah oui, d'accord. Mais il y a des jeux. C'est en ce moment, en plus, c'est vrai que je trouve les jeux de plateau justement, je trouve ont retrouvé des lettres de noblesse parce qu'il y avait des jeux de plateau avant comme ça devient vraiment familial. Et maintenant, c'est bien familial avec les ludothèques, les événements qu'il y a autour des jeux de plateau et tous les éditeurs de jeux de plateau qui sortent en ce moment des jeux pour tous les goûts, que ce soit de la stratégie à du bluff, à du juste lancer des dés, à juste du on s'amuse, on rigole. Il y a des jeux de plateau pour tous les goûts, et donc du coup, tu peux avoir des jeux de plateau qui vont durer 5 minutes, comme des jeux de plateau qui vont durer 5 heures. Du coup, est-ce que vous proposez des fois, ou est-ce que vous allez proposer, vu que ça va commencer tout doucement là, des nouveautés en jeux de plateau, peut-être que des jeux que le particulier un petit peu lambda, si je peux m'exprimer ainsi, connaît. Oui, alors généralement les jeux de plateau, on a tous des jeux de plateau chez nous, on ramène ceux de chez nous. On en a quelques dizaines, voire quelques centaines, hein, je crois, au total. Ah oui, donc il y a du choix. D'accord. Les jeux de plateau qu'on propose au club, c'est justement les jeux de plateau que les membres ramènent parce qu'on n'a pas de jeux de plateau au club, acheté par le club. Donc du coup, c'est souvent les membres qui ramènent leurs jeux et qui proposent de « Tiens, j'ai acheté le jeu il n'y a pas longtemps, on va tester. » Cool. Donc du coup, quand on vient pour être membre au sein de votre club, on peut ramener son jeu si on a envie de faire partager son plaisir avec les autres membres du club. On peut même venir en proposant un jeu de rôle en disant « Tiens, je vais vous faire jouer à ça. » Ça, c'est chouette. Oui. Ça donne de l'innovation et puis un petit peu, un rôle à chacun. C'est le cas de le dire. Alors, avant de terminer cette émission qui est quand même passée à toute vitesse, mais ce n'est pas fini, hein, restez bien avec nous. On se donne une dernière bulle de son. On se lance dans Sauvons les rôlistes. Merci encore à toi, Adrien, de nous avoir proposé tous ces sons que je n'aurais même pas trouvés. Donc, on écoute Sauvons les rôlistes et on se retrouve juste après. On les trouve en groupe de cinq dans les caves des facultés. Ils adorent faire les malins avec leurs dés. Ils dessinent dans leurs cahiers des épées, des loups-garous. Ils n'écoutent pas en cours d'anglais car ils connaissent déjà tout. Ils achètent des boîtes de jeux dont on comprend pas le titre. Ils collectionnent des bonshommes en plastique. On les voit sur internet dans les GN en caleçon. Ils parlent les langues des elfes et lisent des dictionnaires flingons. Tu peux sauver les rôlistes avant qu'ils ne disparaissent. Tu dois lancer un défi, c'est une multiplie parfaite. Dans la table des bonus, tu viens faire ta sélection. Et tu sauras combien tu donnes à notre association. Et tu sauveras les rôlistes. C'est galère en entreprise quand il faut communiquer. D'ailleurs c'est pas Android, c'est la machine à café. Ils s'endorment aux réunions cachés derrière un carnet. Ils sont jamais au courant quand y a un match à la télé. Pendant la pause déjeuner, ils refont l'éducation. Des collègues indisposés par leur incompréhension. Ils énoncent les suppléments de la troisième édition. Et les malus à la classe d'armure d'un perso loyal bon. Imagine le monde sans nous, un monde sans étoiles données, un monde sans suppléments à collectionner. Plus personne pour dessiner des épées, des boucliers. Plus personne pour dire pas mal dans une soirée. Plus personne pour dire chaussettes, sac à dos et puis baston. Plus personne pour dire que chaque c'est magique. Fini les torturés, les bizarres mal réchauffés. Et bonjour à la culture réformée. Que t'es con et ceux qui comprennent rien, ça va ruiner tes études, tu finiras suicidé. C'est pas des conneries, t'as vu, ils en parlent à la télé. Ta mère pense que c'est malsain, passer le week-end enfermé à potasser des bouquins sur les sorciers. Moi mon fils il est rôliste, je pense qu'il va pas très bien. mais rassurez-vous, Odile, j'ai l'adresse d'un opticien. Chaque fois que vous écoutez cette chanson, vous faites progresser le jeu de rôle. Votre ordinateur envoie secrètement un message codé dans la trame des octets du fichier audio qui se trouve relayé par des dizaines de serveurs installés dans les caves des rôlistes du monde entier. Les informations sont stockées sur des bandes magnétiques de l'ordinateur central de Skynet caché sous un volcan. Il envoie à son tour un signal crypté 128 bits au capitaine Kirk et à son ami Albator, dont les vaisseaux gravitent en mode furtif dans l'atmosphère de notre planète. Ces milliers de signaux sont alors convertis en dollars et injectés dans les comptes bancaires d'usines de boîtes à pizza servant de couverture au marché du jeu de rôle. Merci à vous terriens et habitants d'autres planètes de participer à la grandeur de notre loisir favori. Oui, merci à vous. Je peux sauver les rôlistes avant qu'ils ne disparaissent. Tu dois lancer un délice et tu multiplies par 13. Tu dois obtenir 200 en ajoutant ton adresse. Avec un bonus de 2 des 20 si ton père est en binaire. Et tu sauveras les rôlistes. Ouais, mais sérieux, la fin, ça veut rien dire. Non, mais ta gueule, c'est magique. Nous sommes toujours ensemble dans la bulle. Vous êtes toujours bien sur Radio Gémozo. Nous sommes là aujourd'hui avec 5 membres du club Forge Monde. Merci encore à tous les 5 d'être parmi nous aujourd'hui pour nous faire plonger dans votre monde, justement. C'était plutôt très, très chouette, mais c'est pas fini. Est-ce qu'on vous retrouve prochainement sur un événement en particulier, quelque chose de prévu? Non, pas pour l'instant. Alors, pas au mois de mars, normalement. D'accord. Pour les vacances, on est fermé. Après, on revient en septembre, on rouvre. D'accord. Et les événements sur lesquels on peut nous retrouver, ouais. Il y a notamment Jeux et compagnie. Ah oui. Donc, gros événement épinal autour du jeu. Ouais. Donc, on a un stand là-bas. Et le deuxième gros événement où on peut nous retrouver sont les Imaginales, à Épinal aussi. Gros festival de livres et de l'imaginaire. Eh oui. Où, bien sûr, on peut nous retrouver à la bulle du jeu. Ok. Et encore une fois, beaucoup d'initiations. Il ne faut pas hésiter à venir pour découvrir. C'est un bon endroit. Ce sont deux bons endroits pour découvrir. Là, on est vraiment à la disposition du grand public. D'accord. Et on est là pour les accueillir, pour répondre à toutes leurs questions, pour les initier, que ce soit au jeu de rôle, à différents jeux de plateau, voire au jeu de figurines. D'accord. Et à la peinture également. Ok. Donc là, voilà, on fait feu de tout bois pour satisfaire tous les visiteurs. Si et là, on peut aller de 7 à 77 ans. Ah, d'accord, ok. On a déjà fait. Il n'y a pas de limite. Enfin, en tout cas, presque pas. Si on n'a pas envie d'attendre le festival du jeu ou les Imaginales et que l'on veut en savoir plus sur votre club et tout ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut aller sur le forum. D'accord. forgemondeforumactif.org, okay. Où vous aurez toutes les informations et où vous pourrez nous contacter. Et si vous voulez passer tester directement au club, vous êtes les bienvenus dans un après-midi. Prévenez juste à l'avance qu'on puisse vous prévoir une petite place et vous faire l'initiation. Et on sera ravis de vous accueillir pour vous faire tester une après-midi. Et si ça vous plaît, vous êtes les bienvenus. Ah bah ça c'est bien dit, avec ta voix suave, ça passe tout à fait parfaitement bien. Alors les après-midi où on peut vous rendre visite, c'est les samedis et les dimanches, c'est ça? C'est ça, de 14h à 19h, tous les samedis et les dimanches. D'accord, au centre Léo Lagrange à Épinal, on le rappellera. Et puis tu nous disais tout à l'heure, Marina, qu'il y avait les derniers samedis du mois, qu'est-ce qui se passe? On fait des nocturnes, donc on est ouvert le samedi jusqu'à minuit, 1h du matin. Ah, c'est super ça. Est-ce qu'on le fait dehors, parfois? Peut-être. C'est difficile, mais on pourrait. C'est difficile. S'il fait beau, ça nous est déjà arrivé. Oui, voilà. Ouais. Ça doit être ça dépend de la météo, ça dépend aussi s'il y a un événement à côté du centre Léo Lagrange, du coup, on va peut-être pas aller dehors parce qu'il va y avoir du bruit, mais voilà. Et les moustiques. Oui, là, c'est les moustiques. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait dans une nocturne? On fait les mêmes jeux que d'habitude ou alors ça change un peu? En théorie, on a 3 créneaux, donc on a le samedi après-midi, le samedi soir et le dimanche après-midi. Mais s'il y a un meneur qui veut faire une plus longue session, c'est l'occasion justement de faire de l'après-midi et le soir. D'accord. Le même jeu de rôle. Vous arrivez à vous rassembler régulièrement? Tous les rôlistes viennent chaque semaine au club? Non, ça dépend des tables, ça dépend aussi de la place aussi. Parce Puis des disponibilités de chacun. Disponibilités de chacun aussi. oui, sur 25 ou sur 25 personnes, on peut jamais avoir tout le monde tous les week-ends. C'est d'ailleurs pour ça que le forum est important, parce que c'est comme ça qu'on sait la semaine qui vient et qui ne vient ça pas. Ça permet de nous coordonner. Ok, voilà. C'est important. On se préinscrit entre guillemets. Voilà, on fait part de notre venue. Maxime, toi, tu y es tous les week-ends? Moi, j'y suis quasiment tous les week-ends. J'essaye d'être là le plus possible tous les week-ends, mais bon, bah, y a des fois, je peux pas. Ouais. Disponibilité. Il y a une vie à côté. Il y a une vie à côté. Ah bon? J'aimerais bien que ça soit ma vie rôliste, mais non. Non, mais on a une charge de travail. Oui, voilà. Non, mais donc j'essaye d'y être tous les week-ends, mais si j'y suis pas. Ils seront là. Donc je rappelle quand même que ce sont que des bénévoles au sein du club, hein, ça c'est quand même important, voilà, qui font juste quelque chose pour se faire plaisir à un moment donné, et ça c'est chouette. Nous ne sommes qu'un groupe de passionnés. Eh ben, c'est déjà très très important. Vous avez aussi une page Facebook, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'elle est active? Qu'est-ce qui se passe? La page Facebook, on peut en parler, vous pouvez nous voir sur la page Facebook. Alors c'est le moins actif que le forum, ouais. C'est vraiment le forum où on met toutes les infos, okay. Mais si vous avez plus rapide par Facebook, vous pouvez nous contacter, on vous répondra et on vous renverra sur le forum la plupart du temps. Très bien, donc les Forges Monde avec un S à Monde, si vous voulez les retrouver sur la page Facebook. Ouais. Est-ce qu'on a un dernier mot à dire à nos auditeurs avant de finir cette émission? Tagazog. Ok, ça marche. Non, mais je pense qu'il faut, rassurer puis démystifier tout ça, et on accueille tout le monde. Oui. Et il n'y a qu'en essayant qu'on sait si ça plaît ou pas. Eh ben, bien sûr. Voilà, donc, voilà. Puis j'aimerais bien avoir plus de femmes. Pour l'instant, on n'est que deux, trois. Oui. C'est pas vrai. Bah, on va venir un petit peu amplifier ces statistiques. Je te prends à ma table, il n'y a pas de souci. Ah bah ça marche, ok. On se retrouve bientôt. Un mot Et vous êtes tous les bienvenus du coup au club, et on est impatients de vous rencontrer, de vous voir et de jouer avec vous. Ouah, pas mal. Et toi, Océane? Vous serez très bien accueillis. Ouais. C'est une source sûre. Bah, c'est cool. C'est cool. Eh ben, merci en tout cas à tous les cinq d'être venus jusqu'au studio de Radio Guémoz au sein de la bulle pour voyager avec nous durant cette heure qu'on vient de passer ensemble, qui est passée à une rapidité fulgurante quand même. C'était assez incroyable. Je vous remercie beaucoup. Une très très belle route à vous cinq et puis à tous les membres du club. Hein, surtout amusez-vous, jouez, et puis pour tous les autres, eh bien allez-y, rencontrez-les. Vous allez être conquis ou non, mais ça c'est pas grave. Hein, y en a pour tout le monde. Il faut essayer, mais je pense qu'à mon avis, vous allez être conquis quand même. Oui. Hein, à tous nos auditeurs, ben je vous embrasse bien fort. Au revoir en tout cas à tous les cinq. Et puis surtout, n'oubliez pas, c'est comme tous les jours. Hein, bonheur, joie et rire à tous. The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin, feather road, cause I'm sipping pro. Yeah, that meth is pro, promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin, but you acting young. Hey.